le puits. Assis au seuil de sa maison, les jambes écartées, les deux mains appuyées au pommeau de sa canne, le vieux gardait le silence, ce silence des paysans, dont on ne saurait dire s'il est peuplé de souvenirs ou s'il est morne et sans pensée. La journée s'achevait. Dans le soleil amolli, montait l'appel lointain des bêtes à l'étable. Un vieux cheval passa, rentrant tout seul à l'écurie, tirant derrière lui ses traits qui traînaient sur la route. Le vieux le suivit des yeux, hocha la tête et soupira. « Quand j'aurai ton âge, on ne me verra plus sur les chemins. »« Est-il donc si âgé que cela » demandai-je. « 20 ans au moins, ça fait 80 ans pour un homme. » « Et pourquoi ne vivriez-vous pas jusque-là »« Pourquoi ? Regardez-moi. Je n'en ai seulement point 50. Vous m'auriez donné davantage. »« Eh oui, 50 ans et je ne peux plus travailler. C'est à peine si je tiens sur mes jambes. »« Vous avez fait une grave maladie ?»« Non. Autant dire même, je ne me suis jamais purgé. »« Seulement... » Il heurta du poing son front ridé. « Seulement, c'est là que ça travaille. » Et on ne fait point des noces d'or avec certains souvenirs. Il y a des heures qui comptent plus que les années. Tenez, je vais vous conter mon histoire. Vous jugerez vous-même. Il y a de cela bien près de 25 ans. J'avais connu, en allant à la ville, la femme d'un cultivateur d'un village voisin. Le mari était vieux. Il avait bien une couple de 10 ans de plus que moi. La femme avait mon âge. Quand on est jeune, on ne réfléchit guère aux conséquences. Et puis j'aurais réfléchi, voyez-vous, que cela n'aurait rien changé, vu que, quand l'amour parle, c'est que la raison est en course. Une nuit, j'étais auprès d'elle, son mari étant parti le matin pour mener les bœufs à la foire, quand j'entendis du bruit dans la maison. Je saute sur mes pieds, je passe mes souliers, ma veste, je descends l'escalier à pas de loup, je traverse la salle du bas, l'enclos. Je n'y avais pas fait 10 pas que 2 coups de fusil me partent dans le dos. Instinctivement, je me jette à plat ventre. Je n'avais rien, pas une égratignure. Mais comme je me relevais, je vis sur moi le mari qui brandissait son fusil pour m'assommer. Je me mis à courir de toutes mes forces. Il se lança à ma poursuite. Je l'entendais qui hurlait. « Gredin, canaille, voleur, arrêtez-le !» En rase campagne, j'aurais eu vite fait de le dépasser, car mes jambes valaient mieux que les siennes. Et pour galoper, on n'a plus de vent à 20 ans qu'à 40. Mais dans ce jardin que je ne connaissais pas, il avait l'avantage. Je butais dans les fils de fer, je heurtais les cloches à melon, et chaque fois que je me relevais, j'entendais sa voix plus proche qui criait toujours « Arrêtez-le, arrêtez-le !» J'arrivais enfin à la haie. M'arrachant la figure et les mains, je la franchis. De toute la vitesse de mes jambes, je dévalais le coteau. Mais lui avait coupé court et me barrait la route, juste comme j'entrais dans une ferme abandonnée où je comptais bien l'égarer. Il se précipita sur moi à coups de pied et à coups de poing. Je tapais, moi aussi, comme un furieux. Je le pris à la gorge. Il cessa de cogner et me saisit à bras le corps. Il me serrait à m'étouffer. Je voyais ses yeux qui lui sortaient de la tête. Mes jambes s'enchevêtraient dans les siennes. Il essayait de me mordre. Mais tout à coup, le terrain manqua sous nos pas. Il ouvrit les bras, je le lâchai. J'entendis à la fois son hurlement d'épouvante et le mien. Je me sentis tomber, tomber. Et soudain, sous ce bras, sous l'aisselle, j'éprouvai une douleur terrible. Il me sembla que j'avais été agrippé au vol. Comme je revins à moi, je compris d'abord ni où j'étais, ni comment j'étais retenu. Quelque chose m'arrachait les chairs de l'épaule et du bras. Mes 2 pieds pendaient dans le vide. J'ouvris les yeux. Au-dessus de moi, quelque chose luisait, quelque chose de noir qui tremblait, où je voyais danser de petites lumières. J'essayais d'écarter les bras, mais le mouvement que je tentais à gauche me fit hurler de douleur. J'étendis la main droite, et de ma paume ouverte, je cognai un mur froid, humide et gluant. Mes talons battaient aussi un mur, et à chaque coup, cela faisait un bruit profond, comme un coup de pierre sur un tonneau vide. Et voilà que, mes yeux s'étant habitués à l'obscurité, je vis devant moi, tellement près que si j'avais pu allonger la main, je l'aurais frôlé, une masse noire qui pendait à la paroi et tressaillait. Petit à petit, dans cette masse d'abord confuse, je distinguais des bras, des jambes et une tête. Une effrayante tête aux yeux chavirés, à la bouche tordue. La tête de l'homme qui, tout à l'heure, avait roulé avec moi. Alors seulement je compris. En nous débattant, nous nous étions appuyés sur des planches qui recouvraient l'orifice d'un puits, depuis longtemps abandonné. Les planches, pourries sans doute, avaient cédé sous notre poids, et dans notre chute nous avions été agrafés par deux crochets. Vous savez, ces crochets qu'on mettait autrefois dans les puits pour y suspendre dans des paniers les bouteilles à rafraîchir, histoire d'éviter de dérouler la corde jusqu'en bas. Nous étions pris, embrochés comme des moutons à l'étal. Moi par l'aisselle, lui, je le voyais maintenant, par le flanc, le ventre déchiré, le corps pendant. D'un côté les jambes, les cuisses, de l'autre le tronc, la tête et les bras. Jusqu'ici je n'avais entendu d'autre bruit que celui que je faisais moi-même en essayant de me débattre. L'autre en face se mit à râler, et dans le puits son râle ronflait et s'allongeait avec un accent effroyable. En même temps j'entendais le petit clapotis. Toc, toc, toc, comme de l'eau qui tombe goutte à goutte dans un vase. L'homme saignait lentement dans l'eau par sa terrible blessure. Je ne sais pourquoi, mais d'entendre ce gémissement, cela diminuait ma peur. Vous comprenez, je sentais quelqu'un, quelque chose près de moi. Cela dura ainsi longtemps, très longtemps. Puis l'obscurité commença à se dissiper. Le matin venait doucement. L'obscurité diminua encore. L'homme râlait plus court. Je vis distinctement, dans ses moindres détails, son effrayante tête, ses mains aux doigts crochus, les ronds que sur l'eau morte du puits faisaient les gouttes de son sang. Puis la plainte se ralentit. Le corps eut une ou deux secousses. Il me sembla que la tête se tournait violemment vers moi, que les yeux cherchaient mes yeux, que la bouche souffrait pour me crier encore « Gredin, canaille !» Plus rien. Même plus le murmure des gouttes. Le silence. Devant ce mort, la peur, une effroyable peur, s'empara de moi. Je ne sentais plus ma douleur. Je n'avais dans la tête qu'une pensée. J'étais là, seul, perdu. Nul ne songerait à me chercher dans ce puits. J'y mourrais de souffrance, de faim. Crier, appeler au secours, à quoi bon? Pas de chemin à proximité. Pourtant je criais, j'appelais au secours. Rien, personne ne répondit. Le jour était venu tout à fait. Le soleil devait être haut sur l'horizon. Le coin de ciel que je ne pouvais apercevoir était d'un bleu sans tache. Je grelottais d'angoisse et de froid. Je sentais, je devinais cependant, que sur terre il faisait chaud, très chaud, car nous étions dans les premiers jours du mois d'août. Je n'osais plus regarder le corps inerte. Je n'osais plus risquer un mouvement, un geste, tant le moindre tressaillement me causait d'intolérables souffrances. Alors, dans mes oreilles, j'entendis un bourdonnement lointain, puis plus net et plus proche. Il me sembla que des brins d'herbe frôlaient ma figure. J'ouvris les yeux. Ah, ce n'était pas un rêve, un cauchemar. J'avais bien entendu. Ce qui bourdonnait autour de moi, c'était des mouches, des centaines, des milliers de mouches qui volaient près du corps immobile, près du mien. Je ne sais plus combien de temps cela dura. Je sais seulement que je me sentis devenir fou. Autant que je pus raisonner, je me rendis compte que midi arrivait, ensuite que le soleil s'éloignait. Puis, le corps autour de qui dansaient les mouches me parut descendre, insensiblement, glisser, glisser. J'entendis un grincement d'étoffe qu'on déchire. Le corps descendit plus vite. Un autre grincement, un craquement, comme quand on laisse traîner une brique le long d'un mur en pierre mal jointe. Le bruit violent de quelque chose de lourd tombant dans l'eau du puits. Des gouttes rejaillirent jusqu'à moi. J'ouvris les yeux. Le corps avait disparu. À sa place, un crochet tout rouge où se balançait un chiffon de drap. Après, je ne me souviens de rien. On m'a raconté dans la suite qu'un gamin qui passait par là, s'étant penché pour jeter des cailloux, avait appelé au secours. D'après ce que j'ai calculé, j'étais resté là près de 18 heures. Maintenant, je me demande si on n'aurait pas mieux fait de m'y laisser mourir. J'ai guéri du corps. mais je peux dire qu'il ne s'écoule pas une heure sans que cela me revienne dans les yeux. Voilà 25 ans que j'ai devant moi cet homme accroché par le flanc. 25 ans que je vois sa figure, que je suis son corps déchiré, que je sens sur ma face les gouttes d'eau du puits. « Et la femme ?» demandai-je. Il me dit à mi-voix. « Folle. » Il poussa un long soupir. « Ah ! Je suis vieux, monsieur. Bien vieux. » La nuit était venue, presque insensiblement. Une vapeur flottait sur la campagne. Au loin, un son de cloche s'éleva. L'homme monta son chapeau, s'agenouilla, fit un signe de croix et me dit presque bas. C'est à 7 heures qu'il est tombé. Tout se tut. Un murmure tremblait encore dans le ciel. Au bout du chemin, un couple d'amoureux s'en allait à pas lents. Le vieux priait en se frappant la poitrine.